Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio en ce jeudi 17 décembre 2015. C'est le troisième jeudi du mois et le troisième jeudi du mois sur le 895 de Dio. Vous avez rendez-vous en histoire de la mémoire ouvrière locale et stéphanoise avec le GREMOS, l'association, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois précisément. Nous sommes aujourd'hui avec Maurice Bédouin. Bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue Maurice sur cette antenne pour cette émission mensuelle, dernière de cette année 2015, qui va être marquée par les dernières rencontres que le GREMOS organisait en cet automne, et c'est quasi une habitude maintenant. C'était la troisième édition de ces rencontres, journée d'études de la mémoire ouvrière qui avait lieu le 13 novembre dernier. Une journée d'études qui était précédée d'une soirée un peu plus festive et musicale. C'était le 12 novembre au soir et c'est précisément sur cette journée soirée que, sur laquelle nous allons revenir, en ouverture en tout cas de ce programme. Bonjour à vous tous. Et oui, retour sur un beau moment, une soirée musicale le 12 novembre 2015. Autour des musiques de l'immigration, et à cette occasion, eh bien, nous avions eu le bonheur de recevoir Stefano Moscato, dont la famille est d'origine sicilienne, et puis Manuel Mendes, dont la famille est d'origine portugaise. Alors, nous y plongeons, nous y voilà. Voilà, alors la soirée de ce soir, eh bien, elle va s'articuler à travers... la prestation de deux artistes, là en premier lieu de Stefano Moscato et ensuite sans transition avec la prestation de Manuel Mendes. Deux pays, deux inspirations. Alors si vous le voulez bien, je vais me tourner vers Stefano Moscato pour bonsoir à tous et à toutes lui permettre vous permettre de faire un petit peu mieux connaissance. Alors, le parcours familial, comment est-il chez toi ? Eh bien, je suis d'origine sicilienne. En fait, je suis né en Sicile. Alors, je suis de la génération d'immigrés d'après-guerre. C'est-à-dire que mon père est venu en France en 1947. À ce moment-là, ma mère était enceinte de moi, et donc nous l'avons rejoint en France en 1948. Mois d'août 48, j'avais 6 mois. C'était évidemment difficile. Hein. Toute immigration, en fait, est une émigration. Hein. Il faut quitter le pays, il faut quitter la famille, les amis, les habitudes. Et tout cela m'a été raconté maintes et maintes fois. Et j'ai eu cette chance de vivre jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire jusqu'à la mort de mon père, de vivre dans deux pays, puisque quand je rentrais chez moi après l'école, j'étais en Sicile. J'étais en Sicile parce que mes parents parlaient sicilien à la maison. Ma mère cuisinait sicilien, les amis étaient siciliens, donc c'était une petite Sicile, quoi. Dans ton ouvrage, Le Cantonnement, tu parles d'une petite Italie. Alors, ça veut dire que vous vous réunissiez. Oui, parce que les amis étaient siciliens. La plupart des amis étaient siciliens. Donc, ils habitaient soit à Lorette, soit à Rive-de-Gé, ou Grand-Croix, Saint-Chamond, enfin, dans la vallée du Gé. Mon père a été embauché directement en Sicile. C'est-à-dire que quand il est arrivé en France, il avait déjà un emploi, il avait un contrat de travail aux aciéries de la marine. À Lorette. Ma mère était orpheline, elle n'avait qu'une sœur. Elle avait été orpheline à Palerme, mais elle aimait beaucoup nager, elle aimait beaucoup aussi le poisson, les crustacés. Mais c'était vraiment un déchirement de quitter sa sœur unique. Et mon père, pour la consoler, lui a dit, bon, les aciéries de la marine, poisson, fruits de mer à volonté. Et on a atterri à Lorette, dans la vallée du Gé, au milieu des usines, et dans un endroit qui s'appelait le Cantonnement, donc qui se trouve à la frontière, enfin, entre Lorette et Rive-de-Gé. Je me tourne et je me retourne dans mon lit, je pense toujours à toi. Je t'envoie des lettres, tu ne me réponds pas. Ça s'appelle Mi Voto. Je me tourne et je me retourne. Thank you. Mi voto e mi rivoto sospirando, passo l'intera notte senza sonno, e mi dissi dove vai contemplando. Penso di la notte sino a giorno, e ti non posso l'ora a riposare, pace di tia. Afflì tu cuore, paloma che cammina maro maro, ferma quando ti dico due parole. Non ti tiro una pina di stalli, quando faccio una liccia allo mio amore, le leggi ti rimanno a tri a due. Stanca di Dio, non hai mai o che si perse la carta di voi, o puramente scrivi di non sai. Voto e mi rivoto sospirando, passo le notti in terre senza sonno, passo le notti in terre senza sonno. Une des musiques traditionnelles de Sicile, c'est la tarentelle. A ballare, a ballare, femmini schette maritati, e si na balla di buoni, dove canti noi sono. A ballare, uomini schette maritati, e si na balla di buoni, dove canti noi sono. Sciu, sciu, sciu, quanto femmini caci tu, ce ne quattro scavazzati, ci facemo che patate, ce ne quattro amagadette, ci facemo che pisette. A ballare, uomini schette maritati, e si na ballare buoni, nuovi canti, nuovi sono. A ballare, femmini schette maritati, e si na ballare buoni, nuovi canti, nuovi sono. Sciu, sciu, sciu, quanto uomini caci tu, cine quattro scavazzati, ci facciamo che patate, cine quattro amagadette, ci facciamo che pisette. A ballare. Merci. Merci. Un jour, mon père, qui élevait des lapins, m'a dit, eh ben, écoute, je devais avoir 10, 11 ans. Il avait des petits lapins. Bon, J'étais tout, tout jeune. Il me dit, eh ben, écoute, tu prendras les lapins, puis tu iras les vendre au marché de Rive-de-Gier. Bon, très bien. Puis si tu fais du bénéfice, enfin, si tu arrives à les vendre, l'argent sera pour toi. Donc, je suis parti content, avec un panier, mes lapins dedans. Puis quand je suis arrivé au marché, j'étais un peu gêné parce que j'étais le seul de cet âge-là à vendre quelque chose. Bon, les autres avaient l'habitude de s'installer là. Il y avait pas mal de paysans du coin aussi qui vendaient leurs produits. Puis bon, le placier est arrivé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as là dans ton panier? Alors j'ai soulevé le panier, j'ai soulevé le couvercle. Il a vu qu'il y avait des lapins. Alors, il a fait la grimace, il m'a dit, mais... ils sont malades. Effectivement, ils étaient malades. Ils avaient le ventre gonflé. Ils étaient prêts à crever, ces lapins. Voilà, donc je garde un peu d'amertume par rapport à ce que m'avait infligé mon père. Parce qu'il a fallu que je reprenne le car pour revenir à Lorette. Bon, ça sentait pas très bon dans le car. J'avais peur de me faire engueuler. Et puis bon, les lapins sont morts quelques temps après. Et mon père s'est pas mal moqué de moi par rapport à cette histoire. Ça s'appelle « Lumercato ». « Lumercato », c'est une chanson que j'ai beaucoup entendue quand j'étais très très jeune, parce que c'est une comptine sicilienne. Alors, je suis allé au marché, j'ai acheté un poussin, après j'ai acheté une poule, j'ai acheté un porc, j'ai acheté une guitare, j'ai acheté une trompette, etc. Donc, c'est un peu répétitif, mais ça fait comme ça. Aiuto Lumercato a cattare un pollicino. Cicilici fa un pollicino fa cicilici, quando lo chiamo non vuole venire. Ai aiuta allo mercato a cattare la iadina, cacaraca fa la iadina, cicilici fa un pollicino fa cicilici, quando lo chiamo non vuole venire. Ai aiuta lo mercato a cantare lo iadut, cocoroco fa lo iadut, cacaraca fa la iadina, cicirici fa o bodicino fa cicirici, quando lo chiamo non vuole venire. Ai aiuta lo mercato a cantare la chitarra. Arra, arra, la chitarra, cocoroco fa lo iaduzzo, cacaraca fa la iadina, cicirici fa un bodicino fa cicirici, quando lo chiamo non vuole venire. Ai aiuto allo mercato a cataro, tamburetto, iedo, iedo, tamburetto, arra, arra, la chitarra, cocoroco fa lo iaduzzo, cacaraca fa la iadina, cicirici fa un bodicino fa cicirici, quando lo chiamo non vuole venire. Ai aiuto a lumercato a cattare un pollicino, cicirici fa un pollicino fa cicirici, quando lo chiamo non vuole venire, un pollicino fa cicirici, quando lo chiamo non vuole venire. Bon, j'ai appris il n'y a pas longtemps que je chantais Bella Ciao, que Bella Ciao, en fait, avait été écrite en 1951, dans la version qu'on connaît. Et qu'en fait, bon, c'était des partisans dans la région de Modène qui avaient cette chanson, la chanson originelle, disons. C'était une chanson des travailleurs dans les rizières, qui travaillaient dans des conditions terribles, elles étaient bouffées par les insectes, par les moustiques. Mais j'arrive pas à la retrouver. Voilà. Donc la version originale, en fait, disait le matin à peine levé, bon, je dois aller à la rizière, parce qu'il y a pas mal de choses qui se répètent. Entre les insectes et les moustiques, un dur labeur je dois faire. Le chef debout avec son bâton, et nous courber à travailler. Ô bonne mère, quel tourment, je t'invoque chaque jour, et ça se termine par « Mais tu verras qu'un jour, tout autant que nous sommes, nous travaillerons en liberté. Ça, c'était la version originale. Parce que là, j'espère bien que vous allez chanter avec moi quand même. Alors, la version originale, c'était ça. La tine, à peine alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, fra gli insetti e le zanzare, un dur lavoro mi tocca fa, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone, e noi correva a lavorare, oh mamma mia, mio che il tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, tutto in poco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ça c'était la version originale, puis vous allez chanter avec moi cette fois. Una mattina mi son svegliato, tous ensemble. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'evaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire la sua in montagna, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Così la gente che passeranno tutti, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, così la gente che passeranno mi diranno che vecchia, e questo è il fiore partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, o morto per la libertà. Merci. Eh bien, je vais laisser la place à mes collègues. Bienvenue à Manuel Mendes. Merci de chanter, de jouer un jour de semaine après une bonne journée de travail. Hein. C'est dur. C'est très dur. Alors, est-ce qu'on peut évoquer l'histoire familiale un petit peu et raconter dans quelles conditions douloureuses l'arrivée en France s'est passée ? Bien, l'arrivée en France, en fait, c'est suite à ce que mes frères allaient faire l'armée, puisque le Portugal était en guerre avec les colonies portugaises, donc avec l'Angola, le Mozambique, etc. Et donc, mon père n'a pas voulu que mes frères partent à l'armée, et donc, il nous a fait venir en France en 1970. Donc, moi, j'avais 7 ans, mes frères avaient 15 et 16 ans. Ça veut dire que vous étiez sans papier. Qu'est-ce que c'est que vivre sans papier en France ? Alors j'étais sans papier jusqu'à la frontière française. D'accord. On était évidemment clandestins. On est venus clandestinement. On est venus un petit peu comme les immigrants de nos jours viennent. Un petit peu dans les mêmes conditions. C'était le bus, c'était à pied. Donc nous, on avait plus de chance. C'était pratiquement tout le temps en bus ou en taxi jusqu'à la frontière française. Et une fois qu'on a réussi à passer la frontière française, en fait, on a été se déclarer immédiatement à la gendarmerie qui nous a fourni tout de suite des papiers provisoires. Et puis, trois mois après, s'en sont suivis les cartes de séjour. Et l'installation dans la région s'est faite facilement ou pas ? Alors l'installation s'est faite à Saint-Chély-d'Apcher, dans la Lozère, dans une toute petite ville à l'époque. Maintenant, la ville a bien grandi parce que j'ai pas coupé les ponts avec Saint-Chély-d'Apcher. J'aime pêcher la truite et donc je vais dans la Truyère et autres rivières qui entourent Saint-Chély-d'Apcher. Ça me permet de revoir ce très beau pays qui m'a accueilli en 1970. Alors difficile, oui, pour un gamin de 7 ans. On arrive et puis comme si comme ça se voit à faire la portugaise, je ne comprenais absolument nada. Et ben moi, j'étais dans cette condition où on parlait français, moi, je ne comprenais rien. Donc, c'est quelque chose de douloureux pour un gamin de 7 ans. Mais finalement, au bout de 3 mois, on commence à comprendre les premiers mots. Et puis, au bout de 6 mois, on commence à parler, à comprendre pratiquement tout. Et se loger, c'est facile ou pas ? Mon père travaillait dans la région de Saint-Chély, Saint-Chély-d'Apcher. Donc, il avait déjà une maison. Donc, ça a été très facile, oui. Et vous avez retrouvé d'autres familles portugaises ? Là-bas, oui, parce que c'était un petit peu par connaissance, en fait. On venait dans une région parce qu'on connaissait du monde qui habitait déjà là-bas. Et donc, c'était souvent des contrats de travail pour nos parents qui étaient faits comme ça. Même si mon père est venu aussi clandestinement en 67. Mais après, on s'aidait les uns les autres. Alors, parlons musique maintenant. Comment le goût pour la musique vous est venu ? Alors la musique m'est venue bien plus tard, donc j'ai fait du folklore pendant des années. J'ai commencé à jouer de l'accordéon à 10 ans, donc à côtoyer le milieu portugais dans le milieu folklorique. Et puis ce style de musique m'est venu beaucoup plus tard quand je suis retourné au Portugal, à Coimbra exactement, à l'université de Coimbra, faire des études sur les chants des étudiants universitaires. Il y a d'ailleurs, je fais une petite pub, il y a un CD qui est là-bas et qui est en vente et qui est justement sur un travail que j'ai fait sur les chants d'étudiants de l'université de Coimbra. Alors est-ce qu'il y avait une culture militante dans la famille Ah non, pas du tout. Alors la valeur c'était travail, travail et travail. Donc après, syndicalisme et tout ça, non, mon père, ce qu'il voulait, c'était essayer de nous payer des études, faire du mieux qu'il pouvait pour nous aider. Et puis, c'était la valeur travail qui était avancée avant tout. Alors ce soir, le répertoire que vous avez choisi n'est absolument pas un répertoire de fado. Non. C'est un répertoire de chansons militantes. Tout à fait. C'est un répertoire des poètes qui ont fait la révolution. Ce sont des poètes qui ont contribué, je pense, pour beaucoup à cette révolution parce que depuis les années 50, ce sont des travaux qui sont répandus un petit peu dans tout le Portugal. Ce sont des travaux qui ont été repris par les gens, tout simplement. Et ce ne sont absolument pas des chants, en fait, qui apportent la violence. Ce sont des chants qui apportent au contraire la tolérance, la notion de liberté, mais la liberté pour tous. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup contribué en fait à ce que le peuple s'approprie ses chants et s'approprie ses idées de tolérance et de paix. Et ce qui a abouti en fait en 1974 à une révolution somme toute dans la bonne humeur entre guillemets. Alors je me permets de regarder votre guitare. Cette guitare n'est absolument pas une guitare portugaise. Non, c'est la guitare classique. La guitare portugaise, elle est à ma gauche. Donc, pourquoi la guitare classique et pas la guitare portugaise ? Tout simplement parce qu'il y a eu, en 1968, le deuil académique qui a été décrété. Il a été effectivement mis en place en 1969. Et ce deuil académique, en fait, Académie de Coimbra, évidemment, ça permettait aux étudiants d'enlever, en fait, les vêtements qui les caractérisent, c'est-à-dire la cape noire, chemise blanche, pantalon noir, etc., pour pouvoir participer à des réunions politiques sans être reconnus, évidemment. Donc, à partir de 69, on a abandonné également l'instrument, parce qu'il faisait partie de l'ancien régime, entre guillemets. Et donc, en signe de protestation, on n'a adopté que la guitare pour l'accompagnement de ces chants. Génial. Bon, on se régale, on vous écoute. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc la révolution portugaise, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est faite en douceur, s'est faite aussi avec beaucoup de chants. Et ces chants étaient à l'origine aussi des mélodies populaires. Donc les gens connaissaient déjà et on y a adapté d'autres paroles parfois. Et les paroles sont des paroles, ma foi, assez innocentes aussi. mais qui communique toujours, en fait des idées de liberté et de tolérance. Je ne sais pas comment tu t'appelles, Maria Faye, ni quel nom je dois te donner. Le yé non parce que tu es une rose, rose non parce que tu es une vraie fleur. Évidemment, ici Maria Faye, qui est le nom d'une jeune fille, c'est tout simplement la liberté qu'on est en train de désigner. Eu não sei como te chamas, oh, Maria Faia. Eu não sei como te chamas, oh, Maria Faia. Nem que nome te hei de eu pôr, oh, Maria Faia, oh, Faia Maria. Gravo não que tu és rosa, oh, Maria Faia. Gravo não que tu és rosa, Maria Faia. Rosa não que tu és flor, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Não te quero chamar cravo, oh Maria Faia. Não te quero chamar cravo, oh Maria Faia. Que te estou a engrandecer, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Chamou-te antes espinho, oh Maria Faia. Chamou-te antes espinho, oh Maria Faia. Onde espero de me ver, oh Maria Faia, oh Faia Maria. O meu amor valou, oh Maria Faia. Deu-me uma linda despedida, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Abarcou-me a mão direita, oh Maria Faia. Abarcou-me a mão direita, oh Maria Faia. Adeus, só prenda querida, oh Maria Faia, oh Faia Maria. Tout à l'heure, je parlais de chansons simples. L'une d'entre elles s'appelle Maïs vert. C'est un chant traditionnel qu'a repris José Afonso. Seulement, quand José Afonso, le poète de la Révolution, a pris un chant aussi innocent que celui-là, eh bien, il va prendre toute une autre connotation. Donc, dans les chants de Maïs vert, j'ai fréquenté mon amoureux. Et la dernière strophe dit « Mondadeiro de meu milho, mondai o meu milho bem ». Vous qui moissonnez mon maïs, coupez-le bien. C'est pas la peine de regarder le chemin, car on vous apporte bientôt à manger. Donc la révolution, elle est bientôt là. Milho verde, milho verde, ai milho verde, milho verde. Ai, milho verde, maçaroca, à sombra do milho verde. Ai, à sombra do milho verde. Ai, namorei uma cachopa. Milho verde, milho verde. Ai, milho verde, milho verde. Ai, milho verde, miudinho. sombra do milho verde, ai, a sombra do milho verde, ai, namorei um rapazinho. Milho verde, milho verde, ai, milho verde, milho verde, ai, milho verde, folha larga. Do milho verde, ai, a sombra do milho verde, ai, namorei uma casada. Montadeiras do meu milho, ai, montadeiras do meu milho, ai, montai o meu milho bem. Não olheis para o caminho, ai, não olheis para o caminho, ai, que merenda já lá vai. Voilà, donc ça c'était les chansons qu'on interprète dans les fêtes, lorsqu'on moissonne, lorsque les voisins auparavant s'entraînaient. Aujourd'hui malheureusement ce sont les moissonneuses et ce sont les tracteurs qui font le travail, la convivialité disparaît. Un jour, un peintre est sorti dans la rue et puis la police militaire, qu'on appelait PID, Police Internationale de Défense de l'État, l'a assassiné, tout simplement parce qu'il faisait des papiers pour les clandestins et pour ceux qui avaient envie de partir un peu et de se faire oublier. A morte saiu à rua, era um dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai, e um vento que dá nas canas do canavial. Très belle soirée que nous avons passée en compagnie de Stefano Moscato et de Manuel Mendes. Belle ambiance et sur un enregistrement tout à fait excellent de Catherine Gauthier. Alors, le plat de résistance est évidemment la journée du vendredi 13 novembre autour du thème de l'usine à la cité, immigration et engagement depuis les années 1970. Beau programme avec de multiples intervenants qui font que la matinée a été placée davantage sur l'analyse de l'engagement des immigrés sur les lieux de travail. Cette matinée a commencé par une table ronde et c'est sur cette table ronde que nous allons insister maintenant dans les minutes qui suivent. Cette table ronde a été réalisée par Leila Ben-Sharif et Serge Proust, le président de la matinée, en présente les intervenants. Bien, donc nous allons passer à la table ronde qui sera animée par Leila Ben-Sharif. Mais avant, je vais me charger de la présentation des quatre personnes qui vont être présentes dans cette table ronde. Donc, je commence par Josefa Bolivar, qui est arrivée en France à 12 ans. Elle a travaillé dans la métallurgie, puis dans un service en charge du reclassement professionnel des travailleurs handicapés. Elle a été membre de la GOC et elle a occupé différents postes de responsabilité au sein de la CGT. Salem Daes est arrivée en France en 1970, à 22 ans. Il a travaillé dans le transport et la messagerie et a assumé différentes responsabilités syndicales, secrétaire du CCE, délégué syndical, etc. À gauche, Mehabdi est arrivé en France en 1969. Il a travaillé dans la métallurgie, puis dans la confection, et puis dans la rééducation professionnelle. Il a eu des responsabilités syndicales, notamment dans une entreprise de confection, où il y a eu d'importantes mobilisations dans les années 70. Enfin, Michel Zapata est arrivé deux fois en France. Une fois en 1939 avec la Retirada, vous savez, c'est ce mouvement à la fin de la guerre d'Espagne où plusieurs centaines de milliers de républicains espagnols sont arrivés en France dans des conditions souvent désastreuses. Et puis, il est revenu en France une deuxième fois en 1948. Il a travaillé dans la métallurgie et a exercé différentes responsabilités syndicales. Alors, tout à fait ensuite, Leila Ben Sharif a exprimé son bonheur d'être invité à ces rencontres d'histoire ouvrière et d'avoir la possibilité de dialoguer avec des témoins, les quatre témoins dont parlait Serge Proust. Elle relève que le thème des rencontres de l'usine à la cité est une question majeure, une question clé. L'inscription de l'immigration dans l'espace du syndicalisme, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental à analyser. Et à ce propos, elle est revenue sur des réflexions qu'elle avait entendues lors d'un colloque CGT où elle avait mentionné les positions racistes exprimées à l'intérieur de la CGTU des années 1920. Et elle se vit alors sévèrement contestée. Voilà ce qu'elle comment elle s'exprimait. La question des antagonismes prolétariens ne doit pas être évacuée, mais au contraire évoquée. On ne peut parler d'une classe ouvrière lisse. Tout à fait ce que nous avons compris à la rencontre de ces quatre syndicalistes. Le premier tour de table était une manière de leur demander comment s'est réalisé leur parcours en France. Et c'est Josefa Bolivar qui prend la parole en premier. Oui, je me suis passée au mauvais endroit, mais bon, je vais démarrer. Donc, je suis arrivée en France en 1963, à Vannes-Vaucluse, dans une cité qui s'appelait la Cité 4, dans des baraquements préfabriqués, donc un milieu ouvrier d'immigration, hein, puisque les jeunes qui habitaient ces baraquements, ils venaient d'un peu partout d'Europe ou du Maghreb, ils étaient logés là. Enfin, nous étions logés là. Donc, ça a été mon premier contact avec des personnes, des gens qui étaient différents de moi, qui venaient d'un petit bled d'Andalousie où on était tous, si on n'était pas de la famille, c'était tout comme quoi. Donc là, j'ai découvert la diversité et a éveillé ma curiosité sur effectivement ces personnes qui étaient quand même très différentes de moi. Je ne parlais pas français à l'époque, hein. Donc la difficulté aussi à entrer en communication. Un très bon accueil de l'école communale, je dirais, le corps enseignant m'a pris en charge et m'a mené sur 3 années, me préparer à présenter le certificat d'études primaires. Pour moi, voilà, ça me semble important de le dire parce que c'est un premier pas important pour se sentir, je dirais, partie intégrante d'une communauté. Ensuite, je suis venue à Saint-Étienne et j'ai commencé à travailler tout de suite. Hein, j'avais 15 ans et demi, dans une usine de cartonnage, ensuite dans une usine qui fabriquait différentes choses, dont celles de vélo, de mobilette et autres. Et puis, je suis partie, j'ai démissionné de cet emploi en 1970 parce qu'il y avait les établissements Jacquemart où j'avais entendu dire qu'on pouvait bien gagner sa vie. Donc, Jacquemart, découverte du terrorisme. Du travail au rendement, à la chaîne, des conditions totalement différentes de ce que j'avais vécu dans les deux autres petites entreprises. Hein, que même si le travail était difficile, il n'y avait pas une organisation qui mettait les individus au même niveau que les machines. Hein. Donc ça, ça a été ma découverte, effectivement, de ma condition d'ouvrière. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a invité un jour à une réunion à la JOC. Comme je suis très bavarde, ça m'a bien plu, hein, de pouvoir raconter tout ce qui se passait. Et voilà, c'est eux qui se sont chargés d'organiser ma pensée, je vais dire d'une certaine façon, de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Ça a été mon arrivée en France. Donc, Jacquemart. J'y suis restée 20 années, la métallurgie. Je ne sais pas si je passe tout de suite à pourquoi je me suis engagée syndicalement. Ça ne vient pas. Dans un deuxième temps. D'accord. Voilà, ben, j'ai terminé. Merci. Bonjour. Donc, moi, je viens de Tunisie. Alors, qu'est-ce qui a motivé mon arrivée ici en France? Issu d'une famille nombreuse, on est 8. 8 enfants dans la famille. Le père était docker à Sousse. Et il fallait vraiment que je donne un coup de main un peu pour aider le papa. Donc, j'ai fait quand même quelques études secondaires. Je n'ai pas fini mon cycle secondaire, il faut dire. Et à un certain moment, j'ai fait 2 années de pion pour un peu démarrer. Et avec toutes les illusions qu'on a quand on est dans le pays, sur la France, et dire que tout peut se faire facilement, aussi bien faire ses études que travailler en même temps. Donc j'ai voulu tenter ma chance et dire bon. Alors en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis d'une bourg à Psaken en Tunisie, qui est un foyer, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'immigrés psakeniens qui sont allés s'installer à Nice. Et Nice est connue aujourd'hui par des psakeniens, une grande colonie psakenienne à Nice. Donc on voyait ces immigrés qui venaient tous les étés, ils viennent à Psaken avec leur voiture, tout ça. Donc c'était alléchant. Donc je suis parti et donc j'ai décidé de venir en France avec l'illusion pour pouvoir éventuellement continuer mes études et en même temps travailler. Mais comme il fallait absolument que j'envoie de l'argent à la famille, donc je suis engagé dans le travail et c'était plus possible. Donc c'était plus possible pour les études tout au moins. Donc je me suis engagé, alors je ne sais pas si je parle après de Virol ou non, c'est ça la motivation, si vous voulez, du début pour venir en France avec, comme je viens de le dire, avec l'illusion qu'on peut faire beaucoup de choses en Europe. C'est toujours l'Europe qui, où tout est possible. Alors après, la désillusion, bien sûr, on l'a eue une fois arrivé ici. Alors mon engagement, non, je parle après. Deuxième temps, peut-être professionnellement. Alors, ah oui, professionnellement, c'est vrai, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je n'ai pas l'habitude des amphithéâtres. On reviendra. En général, on monte sur un fût et on fait son discours. j'ai travaillé dans le transport routier. Le transport routier, notamment la messagerie. C'est vrai, pour beaucoup de gens, le transport, c'est très simple, transporter un colis d'un point à un autre. Mais c'est organisationnellement, c'est très compliqué. Il y a la messagerie, il y a la roue, il y a les lots, il y a, alors bien sûr, tous les différents modes de transport, mais moi j'ai travaillé tout le temps en transport routier, notamment la messagerie. La messagerie, ça emploie beaucoup de gens sur les quais. C'est presque plus que les routiers. Ce qu'on fait comme traction en camion, ce qu'on voit en camion, en général, toujours c'est des sous-traitants. Ce ne sont pas vraiment du personnel. Donc le personnel dans la messagerie, essentiellement le personnel à syndiquer, si vous voulez, qu'on peut toucher et syndiquer, c'est du personnel stable sur place, qu'on peut toucher. Parce que les routiers, c'est compliqué à les toucher. Vous savez, ils partent le matin, ils rentrent le soir, et parfois ils partent pour la semaine, donc on ne les voit pas. Mais notre base vraiment d'organisation syndicale, c'était sur le terrain, entre les employés et les ouvriers. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'appartiens à la CGT, hein. Peut-être, je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est tout. Hein. Après, merci, Bonjour, donc moi je m'appelle Michel Mielby, je suis arrivé en France en 1969, j'avais 23 ans. Je suis arrivé comme ça parce que j'étais un peu énervé contre le régime politique en Tunisie et puis j'avais envie, vous savez, tous les Tunisiens qui ont envie un peu de respirer, de souffler, partent en France. Bah, d'abord parce que c'est facile, et puis c'est le pays des droits de l'homme. Et moi je suis venu avec mes rêves aussi comme ça. Et effectivement, je n'étais pas déçu, parce que je me rappelle des premières émissions de télévision, c'était une anecdote où j'ai vu, c'était à Armégal, où un ministre était interpellé sur ce qu'il venait de dire. C'était formidable, parce que chez nous, ça ne se passait pas de la même manière. Après, j'ai cherché quand même à travailler, parce qu'il faut travailler, il faut vivre, etc. Et puis, j'ai souhaité un peu continuer mes études, donc j'ai fait parallèlement une inscription à la faculté de droit de Saint-Étienne, qui a bien voulu m'accepter, parce que c'était au mois de novembre. Et en même temps, j'ai cherché du travail. J'avais demandé d'abord l'asile politique qui m'a été refusé parce que la France entretenait de bonnes relations avec la Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un pays de liberté, entre guillemets, et donc avec lequel la France ne souhaitait pas du tout. Mais alors, ce qui m'a facilité d'ailleurs mon entrée en France, parce qu'on m'a dit, écoutez, ok, mais bon, vous allez avoir peut-être vos papiers, mais pas en tant que réfugié. Donc je suis resté comme ça. Et entre-temps, donc, je m'étais inscrit à la faculté et puis j'ai cherché du travail. Mais j'ai eu une carte de travail très restrictive parce que, vous savez, on parlait beaucoup de l'immigration, c'est depuis quand même quelques temps qu'il y a quand même une restriction par rapport aux personnes qui rentrent en France, contrairement au discours qu'on entend tous les jours. C'était à cette époque-là, il y avait la métallurgie qui avait ce qu'on appelle un déficit de main-d'œuvre, et donc moi j'ai eu une carte de travail ajusteur bien. limite la ville. Alors, je suis dans ce stage, moi, j'étais loin d'y penser. Moi, j'avais fait des études de gestion et de comptabilité, mais bon, j'avais que 23 ans, j'étais en pleine forme de l'âge. J'ai dit qu'il apprendra, mais c'était facile. En plus, je m'étais fait embaucher dans une boîte d'outils à main. Et les copains m'ont expliqué comment il faut faire. De toute manière, on me réglait ma machine, on me donnait les pièces, et puis voilà. Donc il fallait couder les pièces ou bien travailler avec les presses. Donc on faisait l'outillage à main. C'était assez facile. Cette entreprise, je suis resté 3 ans, 3-4 ans à peu près. Et là, je n'ai pas beaucoup parlé ni de politique, etc., sauf avec mes collègues de l'université, qui eux continuaient à affiner ma formation politique. Mais en entreprise où je travaillais, c'était une petite entreprise de 10 ou 15 personnes. Il n'y avait pas de syndicat. Mes collègues, mes copains me conseillaient de ne pas trop me faire voir, de me tenir tranquille, parce que le renouvellement de la carte de séjour et de la carte de travail était aussi soumis au fait qu'on travaillait, parce qu'il n'y avait plus de travail, c'était fini, on ne pouvait plus renouveler nos papiers. Donc j'ai fait ça, et après quelques temps, donc, je m'étais fait embaucher dans une entreprise de confection. J'étais au départ chauffeur le matin et comptable l'après-midi, parce que j'avais fait des études de comptabilité, donc j'étais capable de tenir une comptabilité. C'était la même comptabilité qu'en France, le plan comptable s'est conclu, c'était ce qu'on faisait en Tunisie. Et après, donc, je suis resté dans cette entreprise pendant quelques années, jusqu'aux événements dont je vous parlerai tout à l'heure, parce que c'est en parlant un peu de ma action, de ma participation à l'activité syndicale. La deuxième partie de la table ronde animée par Leila Ben-Sharif a porté ensuite sur l'engagement, et c'est à nouveau Salem Daesh qui témoigne. Bon, arrivé en France, donc il fallait que je trouve du boulot. J'avais un ami qui travaille dans une boîte intérimaire. Et cet ami-là, il m'a dit, si tu veux, il y a de la place dans cette boîte intérimaire. Alors cette boîte intérimaire, elle travaille beaucoup avec les travaux publics. Et il avait toute une armée presque d'immigrés, de travailleurs immigrés, à qui ils font appel tous les matins. Ils vont chercher avec une camionnette pour les déplacer d'un chantier à un autre. Et cette boîte intérimaire, elle était un peu spécialisée dans le travaux publics. Donc j'ai bossé avec cet ami. Lui, il était le comptable de l'agence, et moi, j'étais un peu l'accompagnateur, et un peu aussi, de temps en temps, je lui donne un coup de main au bureau, mais je n'étais pas encore dans le travail, j'allais dire, travail manuel. Et un beau jour, un de nos clients, les clients de cette boîte intérimaire, un client important, parce qu'il fait toujours appel souvent, il appelle à midi, il dit, j'ai besoin d'un manutentionnaire pour l'après-midi, à 2 heures. Alors, on a essayé de chercher dans nos connaissances. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, bien sûr, pour les avoir. On allait dans les centres d'hébergement des immigrés pour aller les chercher, si on en trouve. Bon, j'ai fait le tour des centres de Vénissieux, j'ai trouvé personne. Du coup, j'ai dit au directeur, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te dépanne, moi j'y vais dans cette boîte de transport. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Transport Virol. J'ai fait mon après-midi, j'ai fait de la manutention. Et à la fin de la journée, le chef de quai m'a dit, toi tu reviens demain. Donc je ne peux pas éviter. Bon, sans trop s'éterniser sur ce qui fait qu'ils m'ont demandé, donc je suis revenu plusieurs fois. Ils étaient satisfaits de ma prestation. Et à l'époque, je n'avais pas le carte de travail. Donc il me fallait un patron pour qu'il me fasse un contrat pour avoir la carte de travail. Et c'est comme ça que j'ai profité de l'occasion. Bon, j'ai travaillé avec eux en intérimaire pendant 6 mois. Et après, je les ai poussés à me faire le contrat pour que j'ai ma carte de travail. Et après, bon, je reviens sur un petit épisode. C'est quand, une fois on a le contrat de travail, c'est-à-dire qu'il fallait retourner dans le pays et passer par l'office de l'immigration. Et quand j'étais pour faire parce qu'à l'office de l'immigration, tu fais le test médical tout d'abord, et après un test, un entretien. Et ce qu'ils m'ont conseillé, les gens qui ont l'expérience, ils m'ont dit, surtout, ne dis pas que tu as fait des études secondaires. Parce que si tu dis que tu as fait des études secondaires, ils ne te prennent pas. À l'époque du CNPF, du CERAC, ils ne veulent pas de gens qui savent même parler le français. Ça, et je t'assure, c'est un phénomène. J'étais obligé à l'entretien de baragouiner n'importe quoi, des mots comme ça, comme ça vient. J'ai fait un peu de la comédie. C'est comme ça que j'ai pu faire mon contrat de travail et j'ai pu arriver chez Virol. Arrivé chez Virol, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était sur le quai, la main intention. Sur le quai de main intention, il y avait presque, à l'époque, il y avait du monde, hein, presque 70 personnes sur un grand quai. Il y avait 3 catégories de personnel. Alors il y avait les immigrés d'Afrique du Nord, qui ont des difficultés, c'est vrai, de s'exprimer en français. Il y avait une autre catégorie qui était les rapatriés d'Algérie, parce que c'était 70. Les rapatriés d'Algérie, qui étaient une clique un peu à part, la clique des immigrés, les rapatriés et une clique de Français, mais des Français qui ont fait la guerre d'Algérie. Il y avait une tension entre ces trois groupes incroyable. Ça ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une bagarre à cause d'insultes, de n'importe quoi. Et dans tout ça, alors, le syndicat était déjà... Il existait déjà, le syndicat. Mais bon, c'était un chef syndical, chef de syndicat, si on l'appelle comme ça à l'époque, le chef syndical. Il était partagé. Alors, plusieurs fois, je l'ai harcelé, je lui ai dit, écoute, en tant que syndicat, tu ne peux pas laisser quand même cette ambiance de bagarre. Le patron, il s'en fout. De toute façon, pourvu que le travail est fait, et qu'il y ait la bagarre ou pas, s'il voit que les choses s'aggravent, il licencie les deux, il fout à la porte, mais comme on peut trouver du boulot le lendemain, c'est pas un problème. Et donc, alors le responsable syndical à l'époque, il m'a dit, écoute, Salem, il faut que tu viennes avec nous. Bon, je lui accorde, moi, quand même, l'année, il me faut que je fasse un an tranquille, autrement, après, je vais être fusillé. J'ai attendu un an, et après, je me suis présenté aux élections. Je vous raconte une anecdote. La première réunion que j'ai eue avec le conseil syndical, c'est-à-dire les délégués du personnel, la veille, on allait monter voir le patron pour la négociation. Alors, tout le monde est assis autour d'une table, on avait un petit local en sous-sol, et on s'est assis, et le chef, il a sorti la bouteille de rouge, les verres, chacun. Alors il m'a dit, Salem, prends un verre parce qu'il faut avoir le courage pour parler devant le patron. C'était un peu de ce style. Bon, petit à petit, je ne vous cache pas, j'ai un autre copain aussi, un espagnol d'ailleurs, qui était assez enthousiaste. On est rentré dans le syndicat, on a essayé un peu de remodeler tout ça, réformer. Et on a pu canaliser quand même cette colère, si tu veux, ou cette. Parce que moi, c'est ça qui m'a motivé. Je vous dis franchement, ce qui m'a motivé, c'est je sentais il y a un racisme aussi parmi ces un racisme très très frappant et presque déclaré. C'était pas caché. Hein. Donc et en plus, il y avait beaucoup de non-respect, si vous voulez, de ces travailleurs immigrés de la part de beaucoup de Français, surtout ces Français qui ont fait la guerre d'Algérie. Bon, il y avait une haine quand même qui restait ancrée en eux. Et je me suis dit, bon, pour se faire respecter, il va falloir vraiment rentrer dans la bagarre. Mais rentrer dans la bagarre, pour moi, ce n'est pas la bagarre physique, je n'ai jamais tapé quelqu'un. Mais j'ai dit, ne serait-ce. Et comme j'ai commencé à rentrer dans le syndicat, c'est vrai que j'ai senti presque tout de suite, il y a un recul un peu de ce personnel français, ou personnel, même les pays noirs. Ils ont commencé un peu ne plus dire des mots déjà très flagrants, le bougnoul et tout ça. Petit à petit, ça a commencé un peu à disparaître. Le fait que Salem va dans le syndicat. Alors j'ai entendu de tout. Hein. J'ai entendu des gens s'offusquer qu'un arabe dirige le syndicat, qu'un arabe à qui on donne le secrétariat du CCE. Mais c'était long, petit à petit. Bon, je perds le fil là, parce que je sais pas ce qu'il faut que je parle de tout. bon, je peux évoquer le point. Un point important, si tu veux, pour la boîte où on l'a vécu, c'est en 82. En 82, Transport Virol était au bout du rouleau. Et donc, il a déposé le bilan. 82, Charles Fetterman, qui est de Saint-Étienne, il était ministre des Transports. Et on a mené une bagarre vraiment en coordination, j'allais dire, avec Fetterman. Et on a réussi à se faire racheter au lieu de que ce soit la faillite totale. Et même le dépôt, on a déposé le bilan, mais on a fait une bagarre vraiment. Alors, comme tu disais, on a occupé. Nous aussi, on a occupé pendant 27 jours, jour et nuit, on a occupé la boîte. Il y avait bon, une grande mobilisation du patronat de transport, parce que le patronat de transport, quand même, c'est un patronat de combat. C'est des mecs qui vont à la bagarre. Et ils voulaient presque, à l'époque, casser. Ils n'ont jamais supporté que Fetterman soit ministre des Transports. Et ça se sentait vraiment dans toutes les réunions qu'on a eues avec, même dans les chambres syndicales patronales, et finalement pour eux c'était la bête noire. Et quand il y a eu le dépôt de bilan de Virol, aucun transporteur n'a voulu racheter Virol, parce que Virol était teinté CGT. Il a fallu que la coordination avec le ministère des Transports pour qu'il ait pression sur Calberson, pour que Calberson qui appartient à la SNCF lui-même, et donc Calberson qui a racheté Virol. Mais c'était une bagarre vraiment assez importante j'allais dire, le point culminant. Après, bon, ça a continué, j'ai occupé plusieurs fonctions, secrétaire du CCE, secrétaire du CE. Je dis franchement, à la CGT, j'ai jamais cherché vraiment à prendre des responsabilités au niveau ni départemental, ni... la perche m'a été tendue à un certain moment. J'ai participé à la commission immigration de l'UD. Mais bon, moi j'estime que le problème du racisme ou même de l'immigration, c'est pas un problème spécifique. Il ne faut pas que ce soit que les immigrés qui s'occupent de ça. Il faut que ce soit un problème de tout le monde, mais pas que les immigrés. Et cette concentration, si vous voulez, dans les commissions immigration de l'UD ou même dans d'autres organismes, quand il n'y a que des immigrés qui sont là, il me semble que ça avance pas. Donc j'ai fait l'expérience d'une année à la commission immigration à l'UD, et après j'ai laissé tomber, je me suis retiré. Et je me suis vraiment concentré que sur ma boîte. Quatre témoins issus de l'immigration, quatre personnes engagées dans l'action syndicale. Ainsi s'écrit l'histoire ouvrière, telle que nous avons voulu la retracer dans cette journée d'études intitulée « De l'usine à la cité, immigration et engagement dans les années 1970 ». Les derniers moments de la matinée ont permis aux universitaires Vincent Guay, Jean-Paul Bentière et Alban Graziotin à leur tour de revenir sur ces questions. Ce sera dans une émission ultérieure que nous allons leur donner la parole. Et oui Maurice, c'était un premier retour sur ces troisièmes rencontres d'histoire ouvrière, donc ces témoignages d'immigrés sur leur parcours, leur arrivée en France, donc des années 50 aux années 70. Et en effet, nous retrouverons eh bien, d'autres de ces interventions dans les émissions à venir d'ici le deuxième semestre de cette saison, c'est-à-dire sur le premier finalement aussi semestre de l'année 2016. Et notamment, on peut d'ores et déjà annoncer le rendez-vous et mettre ces interventions et cette journée en résonance avec l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine des migrations dans la ville. Une exposition qui est actuellement visible aux archives municipales de Saint-Étienne et ce jusqu'au 1er juillet 2016, année prochaine donc, avec des animations régulières, des rendez-vous réguliers qui sont proposés. Le prochain programme trimestriel paraîtra début janvier prochain et au sein de ce programme, en effet, devrait être annoncée la prochaine émission du GREMOS, ici le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier, qui proposera son second retour sur ces rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne et sur cette question de l'immigration et de l'engagement depuis les années 70, avec eh bien, l'intervention de Vincent Guay, toujours sur cette première matinée, qui intervenait sur l'engagement des immigrés ouvriers spécialisés lors des conflits dans l'automobile au début des années 80 dans la région parisienne. Ça, ce sera le 21 janvier prochain pour la prochaine émission mensuelle du GREMOS sur le 895 de Dio. Et puis simplement, peut-être sous forme d'agenda encore pour terminer ce programme, dernier rendez-vous de cette saison Maurice, on peut également rappeler qu'au mois de janvier prochain, ce sera le 26 janvier, eh bien, l'émission GREMOS sera enregistrée en public à la Cinémathèque de Saint-Étienne à l'occasion de la venue du réalisateur Thomas Roussillon qui a réalisé le film « Les Petites Mains » et qui revient sur l'expérience des Lojabi dans la région. Donc voilà, ce sera le 26 janvier après-midi prochain pour une émission qui sera diffusée au mois de février suivant. Et puis simplement, pour terminer encore avec une ou deux informations, nous avons écouté Stefano Moscato aujourd'hui. Stefano Moscato qui a sorti cet ouvrage sur les cantonnements dont vous parliez durant cet entretien. Simplement, cet ouvrage est disponible ici et là, et notamment du côté du site Musée de la Mine, puis Courriot à Saint-Étienne, qui fête sa première année aussi de réaménagement, finalement, de requalification de son site, qui est absolument fabuleux et qu'il faut voir. Il y a également le livre de Catherine Gauthier, d'ici et de là-bas, qui est disponible sur ce même site du Musée de la Mine, puisqu'une exposition avait fait l'objet d'une installation sur le site du puits Courriot. Et simplement rappeler, parce qu'on a évoqué peut-être les gueules métissées, les gueules noires, en tout cas, font l'objet aussi, et ce pays noir fait l'objet d'une expo photo actuellement, jusqu'au mois de mars, et c'est peut-être l'occasion, cette fin d'année, avec la coupure de fin d'année, des fêtes de fin d'année et des vacances dites scolaires, d'aller eh bien, apprécier cette expo photo de Félix Thiollier, fameux photographe et artiste stéphanois local qui a capté sur image ce bassin minier dans les années 1900. C'est une expo et des photos absolument remarquables. Voilà, toutes les infos, agenda, émissions en ligne sont à retrouver sur le site du GREMOS, www.gremos.lautre.net. Merci Maurice, bonne fête de fin d'année, et puis on se retrouve donc l'année prochaine pour notre prochaine émission mensuelle. Au revoir à tous.